micro mic. Ça sent la basse flambée à l'armagnac. J'ai du picole plus qu'un schizo dans même le plus arnaque. Te fais pas de bip pour nos tambules, y'aura pas de rime à deux balles. Je joue bouillon, mon cerveau bulle ma prose vire cannibale. Prise en main infernale, du litron, un vrai trou sur instru. J'suis un truc intrigant qui traîne au rap tellement que son anel pub, une malsaine crue. D'un type banal qu'alcool a bercé. Blessé à l'âme, j'tiens la lame, aucune lame sans renverser. Au fond sur son, les barillés se rechargent et versés. Dispersé comme Doring, je ne puise ma haine que dans le passé. Un capot sans bon poser, et le flow comme le sang va pisser, je rappelle au passage. Sors pas d'une de vos cités, je rappe en négociateur. J'ai les pare-balles pour apparer tous les dénonciateurs. Rafale de rimes, orchestré sans quoi Foster. Même 3 litres de Foster dans le sang, faut le faire. Enfin, va s'enfoirer, mon hip-hop missionnaire. Puis quand descente, je suis affreux même dans mes centres. Mais ton bonnet, j'amène un froid, même hors décembre. Je mène hors descendre, un combat sur tempo oppressant. J'apprécie dire, va te faire foutre au passé, au présent. Y'a pas des vlogs pour mic, un stress omniprésent. J'abats les us et coutumes, place au flop, j'y descends. Pas l'over pour dessous, l'amour m'a déçu. J'ai pas de faire de dessin, bien sûr que j'aime les femmes, pas celles qui te crachent dessus. One air au mic, un rap beaucoup de séroprame. Écoute, sérole pas, j'rame pour ma cause, mais bon, j'me dérobe pas. J'dérape peu à pas en période de thérapie. Quand la bibine se prête au jeu et que les vers sont remplis, j'ai sur la version rime après rime. J'aime sur cette nation de magouilleur incrédible. Maquilleur habile quand il s'agit de t'estroquer. J'déteste trop quand il nous parle, j'suis plus sous l'écho tronqué. Alors comme ça, on veut me barrer les frontières avec mes fonds tire. Ma personnalité reste entière, restant fière malgré les erreurs du passé. La vie a fait de moi un homme qu'on peut plus offenser. T'inquiète mec, sur son jupe à prendre de pincettes. Ton rabot de pincée, mon flow reste dur comme du pain sec. J'sectionne mon cahier en descendant un dépass sec. J'ai dépassé la dose prescrite, j'délire comme un gourou de sec. Comme un garrot, j'traite le mal par le mal. Hip hop frontal, les rimes, j'sors du formol. J'suis formé le DLG, ça risque de faire mal. Tous opérationnels et plus violents qu'une fouille anale. Issu d'une filiale, j'm'en bats les couilles, j'm'en tape les rouleaux. Trouleur merco, de faire le beau devant sa go. Si j'deviens saco, mets-moi ma race à coup de saké. Car toi-même, tu sais que ces galants, on peut pas les saquer. N'est qu'un dieu, et je vous emmerde tous. Allez vous faire enfiler aux boîtes pour en douce. Mon image de fou, c'est une gousse qui n'a rien eu à lécher depuis 72. Se pilonne les jambes écartées. Si vous saviez la haine que j'ai dans le cœur, votre société pue et ma gentillesse meurt. Vous manipulez le peuple, vos discours, je les connais par cœur. J'ai pas cessé de vous cracher mon phrasé en pleurs. Noir est mon parcours, ma sœur, je t'assure. Le corps n'est qu'une armure de chair pour mon esprit. Et il se peut qu'elle ne tienne pas cette vie qu'apporte prix. J'irai rejoindre mon grand-père au paradis. Sèche tes larmes, reprends ton arme. Nos proches crament dans le ralame. Passe ta weed que je bute le chétan. Je pars en couille dans ce monde qui sème la mort pour l'or. Mais pour leur meurt, en commençant par le sud et le nord. C'est avec mes textes que je me confesse, qu'on prête ma thèse en express. Progresse dans un milieu hostile à la presse. Me vante pas mes prouesses dans le sexe. Mais mille, si tu veux me test, ramène tes fesses, ton latex. Oublie tes ex, ça fait 10 ans que je ne crois plus en l'amour. Depuis le jour où tu m'as dit, toi et moi c'est pour toujours en bref. Méfie-toi bien des humains, leurs esprits sont malsains. Leur tout béton crée des familles dans le besoin. Tu te demandes d'où sort ce galarine à foutre. Écoute mes paroles et basta, c'est pas une revue de fesses pour faire caca. Papa t'y crois pas, mais bon c'est comme ça. J'ai tenté de reprendre les cours et ça ne marche pas. J'suis au milieu de la basse-cour, on me pointe du doigt. Je n'ai aucun recours, on parle sur moi, ces langues de pute crachent leur venin mieux qu'une bite en rude. Broute des chattes en route, éclat des clitorites.